Allô? Bon. Ok, c'est bon pour moi. C'est parfait. Très bien, très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, je vais regarder sur le chat. Ok, test. Oh là là. Mon synthé marche, mais mon micro crépite, c'est Bon, ça bizarre. va. Enfin, il y a une petite Ouais. réverb, mais ça passe. Il y a sympa qui est perdu. C'est moi qui ai un Mac. Putain, mais le micro, il est hyper performant. On entend tout ce que je fais. Comment on fait pour baisser le son? Y a moyen ou pas? En mode Pour baisser le son du test. micro, il faut aller dans les options stéréo son du Mac. Options sont d'accord. Ok, ça marche. C'est parti. C'est parti. Yes, c'est parti. Yes, c'est parti.

Jouer devant. Cool. Ah bah c'était cool. Thank you. Ghost. Yeah. pizza. La pizza, moi, oui, j'aime si la pizza. Pizza. On en veut. On en mange. Est-ce que tu aimes la pizza? Si tu aimes la pizza, dis-le moi. Pizza. Merci. Check this out. J'espère que la pizza vous a donné faim. Pizza. de la pizza. Je serais plein de trucs. Pizza. Pizza. bien, super. Wow. Dédicace, ah, j'arrive pas à parler. Oh. Grosse dédicace. Rémi à la batterie. Ouais. C'était Rémi, non? Yo. Yo. Yeah, hey, gars. Salut, ça va? Ouais, je crois. C'est trop bizarre, j'arrive pas à parler. Il y a, oh, y a DJ Smegma avec nous ce soir. Salut. Coucou, vieux. Eh, hey, DJ Smegma, ma parole, dans les studios, très bien. Salut, ça va? Merci. C'est de la folie, là. Très bien. Salut, DJ Smegma. Bonsoir. Incroyable. C'est dingue, ouais. Je l'avais pas vu, il s'était bien caché. Et une dédicace 4 fromages pour sont... Monsieur Krakou. Bonjour. Bonsoir. Je suis un peu ému. Bah, il était derrière les derrière l'imprimante. Alors. Je crois que ça serait impossible d'animer Krakou. Une émission de radio où on parle, en fait. Avec le délai et tout. On est 10. On serait complètement fou. Oui, parce que moi j'ai une demi-seconde de retard sur ma voix, donc c'est si. Ouais. Oui, tout le monde joue avec du délai en fait. Il y a 10 gens qui nous écoutent. C'est dingue qu'on y arrive. 10 personnes. Moi j'ai à peu près 10 secondes. Il y a 10 personnes qui écoutent. C'est donc, rigolo. Grosse dédicace aux 10 ouais, personnes. Ouais, mais ouais, mais on arrive à construire des trucs. J'ai pas l'impression de jouer. Personne. C'est une bande de cinglés. Donc en fait, pendant que je mais parle parfois, là, quand il y a du retard, mais avec du retard. Ah, c'est fou, hein. Quand il y a du retard, il faut relancer en fait, et ça, parfois ça annule. Ouais. Peut-être si tu dis top, et nous on dit top. Parfois, ouais, comme ça, mais parfois, ouais, tout à l'heure j'ai fait ça, et puis en fait ça n'a rien fait. Dédicace à Michou, le prochain morceau, je pense, peut-être. Je vais faire une liste. Personne d'autre veut nous rejoindre. On a fait peur à Ghost. Ah oui. Il a dit qu'on faisait de la merde. Il y a Anne qui nous demande qui on est. Enfin, qui est à la radio. Donc c'est la petite pause. Il y a Pompon qui voulait nous rejoindre, mais il n'y arrive pas. Je sais pas pourquoi. Alors. Moi c'est Kai Smider. Donc, qui sommes-nous? Ah oui, Pompon. Donc. Kai Smider dans les studios. Il y a Victor. Il y a Rémi. Ouais, c'est moi. Kai Smider. Et il y a moi. Bonjour. From donc, France. On est 4 à la base. Et il y a Guest qui vient de nous rejoindre. Donc bonjour Guest. D'accord. Salut. On est 4. Voilà. Parfait. Yo. Yo. Yeah, Guest. Bonjour. Donc ouais, si vous voulez nous rejoindre, je vais remettre l'adresse du serveur sur le chat. Salut, donc il faut avoir Ninjam et rentrer l'adresse dans Ninjam et vous pouvez venir vous téléporter en fait dans une pièce où on fait tous de la musique. Voilà. Je coupe et je reviens tout de suite. Super. Pour voir si ça coupe le délai. Je parle en même temps, mais. Ouais. Oh. Très bien. Ah, je vais faire pareil, parce que j'ai un petit délai. Oui. Ah, Ah mais non, mais non. Wesh. Ah mais non, mais non. J'aurais jamais dû couper en fait. Voilà pourquoi. Faut t'enlever la reverb parce que la reverb sur le reverb. C'est épouvantable. Je crépite et tout. Crépitus. C'est trop beau. Fais une chanson comme ça. En crépitant. Oh ouais. Je suis le robot cassé. Crépitus, le robot cassé. Ah, c'est magnifique. Ok, okay. Je peux essayer, pas de soucis. Ah, moi, je peux en mettre de façon artificielle. Je comprends vraiment pas, mais bon. Je... Ça va, c'était exact. Mmh. Je suis Crépitus. Salut, je suis dans les flammes. Non, franchement, c'est super désagréable. En plus, ce n'est pas mon gars. Oh, que c'est moche. C'est voilà. Je suis revenu. Je ne crépite plus en fait. Bon. J'espère que la lessive de Rémi. Fait notre morceau dubstep. Je suis pas encore parti, mais là je vais partir faire ma lessive. D'accord, Rémi. Ouais, les gens là ils nous écoutent et on fait rien constructif. Faut qu'on construise un immeuble. Hey, j'ai reconnu. On fait un blind test. Ah, mais oui, je vais ouvrir le chat sur l'autre ordi. Comme ça, je vais parler avec les gens. Il y a vraiment des gens qui écoutent ou on peut faire un blind test et en fait, on fait deviner aux autres musiciens la musique qu'on veut jouer. Et du coup, on essaie de... Mais ça va être... Ouais, mais je sais pas, ça peut être très dur, Rémi, non ? On peut pas trouver la musique et jouer notre musique par-dessus. Et ça fait c'est une très bonne mais idée. Mais comment on peut savoir ce qu'on veut jouer, en fait ? Oui, je pense, en fait. Non, on va faire un bon gros morceau, comme ça. On s'envoie des mails. On s'envoie des lettres. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, je vais aller faire ma lessive. C'est bien, c'était une idée. Putain, j'ai des interférences là. Très bien, parfait. Bonne chance, bon courage. Oh putain. J'entends des trucs bizarres, mais c'est pas moi ça. Vas-y, balance ton flow, balance ton beat. DJ, balance le son. Est-ce que je mets un truc de rythme, par exemple ? Ouais, volontiers, je pense. Ça peut être pas mal. C'est lourd. C'était pas mal, ça. Oh. Ok. Ok. Ok. Non. Oh. Bonsoir, bienvenue dans le futur. Ok. J'arrive sur IRC. Thank you. C'est un morceau de plastique. Spéciale dédicace à tous les chats qui ont le blues. Super, très bien. Ok. Ah, c'est pas de chance, quoi. Pour les chats. Très bien. Oh. Faudrait qu'on dise à docteur. J'ai pas de chat. Giorgio, qui est avec nous donc, et qu'en fait on diffuse à la radio, s'il nous entend, voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Ah ouais. Ouais, ça y est. Salut. Salut. On diffuse à la radio. Yes. Yo. Yo. Big up. Je regarde